Chapitre 3. Vous êtes en route. Vous n'arrivez toujours pas à décider de votre identité. Votre dernière persona n'a plus de raison d'être. Cette femme est morte, en même temps couchée. Elle ne sert à rien, avec sa discrétion, son laconisme, sa banalité. Pas alors qu'il s'est produit des choses aussi extraordinaires. Mais vous ne savez toujours pas où est enterrée Nasun, en admettant que Jija ait pris la peine de l'enterrer. Tant que vous ne lui aurez pas fait vos adieux, vous resterez sa mère bien-aimée. Vous décidez donc de ne pas attendre que la mort vous rattrape. Car elle va vous rattraper. Pas tout de suite, mais bientôt. L'énorme secousse du Nord a beau avoir épargné Tsirimo, tout le monde sait qu'elle aurait dû frapper la bourgade. Les Valupinae ne mentent pas, du moins pas avec cette force résonante, effarante, affolante. Celle-là, tout le monde l'a sentie arriver, du nouveau-né au vieillard gâteux. Et maintenant que les habitants des villes et des villages, qui n'ont pas eu autant de chance, se succèdent sur la route, se dirigeant tous vers le sud, on commence à jaser à Tsirimo. On a remarqué le soufre porté par le vent. On a contemplé le ciel, de plus en plus étrange, en se disant que ce changement était de mauvais augure. Et il l'est. Peut-être le chef, Rask, a-t-il fini par envoyer quelqu'un aux nouvelles, à Sumé, la ville de la vallée voisine. Les Tsirimais y ont presque tous des proches. Les deux bourgardes échangent depuis des générations marchandises et habitants. La com passe évidemment avant tout, mais du moment que chacun mange à sa faim, la famille et la race ont aussi leur importance. Rask peut encore se permettre une certaine générosité. Peut-être. À leur retour, les éclaireurs décriront une dévastation totale. Et une absence totale, ou quasi totale, de survivants. C'est une certitude. Le déni ne sera plus possible. Il ne restera que la peur. Et la peur cherche des boucs émissaires. Vous vous forcez donc à manger, en évitant cette fois délibérément de penser à une autre époque et à d'autres repas qui réunissaient la famille. Il vaut mieux pleurer sans pouvoir s'en empêcher que vomir de même, mais, ma foi, on ne choisit pas la manière dont s'exprime le chagrin. Puis, vous vous glissez par le portillon du jardin de Lerna et rentrez chez vous. Personne dans la rue. Tout le monde est sans doute chez Rask, à attendre des nouvelles ou un ordre de mission. Une des caches, dissimulée sous des tapis, contient le sac de survie familial. Assise par terre dans la pièce où Uche a été rouée de coups, vous en triez le contenu pour éliminer ce qui ne vous servira à rien. La tenue de voyage destinée à Nasun est confortable et usée, mais trop petite. Jija et vous avez préparé le sac avant la naissance d'Uche. C'est par négligence que vous ne l'avez pas remis à jour. Une peluche de moisissure blanche couvre un des blocs de fruits séchés. Peut-être reste-t-il comestible, mais la situation n'est pas, encore, assez désespérée pour que vous le gardiez. Il y a aussi les documents prouvant que Jija et vous possédez votre maison, que vous êtes à jour de vos impôts de Quartan, que vous appartenez à la com de Tsirimo et à la caste d'usage des résistants. Ce petit tas de papiers, toute votre existence légale et financière des 10 dernières années, rejoint par terre le bloc de fruits moisis. L'argent rangé dans un portefeuille en caoutchouc, des billets, toute une liasse, n'aura plus aucun intérêt lorsque les gens prendront conscience de l'étendue du désastre, mais il demeure précieux en attendant. Et, quand il cessera de l'être, il fera un bon allume-feu. Vous gardez le couteau à écorcher en obsidienne que Jija tenait absolument à emporter et que vous n'utiliserez sans doute jamais, parce que vous disposez d'armes naturelles plus efficaces. Il vous servira de monnaie d'échange, ou au moins d'avertissement visuel. Les bottes de Jija, en bon état, pourront aussi servir en cas de troc. Il ne les portera plus jamais, parce que vous ne tarderez pas à le trouver et à l'éliminer. Pause. Modification de cette pensée pour qu'elle corresponde mieux à celle que vous avez choisi d'être. Mieux. Vous ne tarderez pas à le trouver et à lui demander pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Comment il a bien pu le faire. Et, plus important, où se trouve votre fille. Vous rangez les affaires dans le sac de survie, que vous posez dans une des caisses dont Jija se sert pour ses livraisons. Personne ne s'étonnera de vous voir sillonner la ville, ainsi chargée, puisque vous le faisiez souvent jusqu'à ces derniers jours, quand vous aidiez votre mari dans son travail de céramiste et de débiteur. Quelqu'un finira par s'étonner que vous poursuiviez les livraisons, alors que le chef va sans doute déclarer sous peu la loi saisonnière. Mais la plupart des gens n'y penseront pas tout de suite. Voilà ce qui compte. En repartant, vous passez près de l'endroit où Uche est resté plusieurs jours allongé par terre. Lorna a emporté le corps, mais laissé la couverture. Les éclaboussures de sang ont beau être indiscernables, vous évitez de regarder dans cette direction. Le quartier est blotti entre l'extrémité sud des murailles et la verdure de Tirimo. À l'époque où vous avez décidé d'acheter, DJ et vous, c'est l'isolement de la maison dans une étroite allée ombragée qui vous a séduit. Il suffit cependant de traverser la verdure pour gagner le centre-ville, ce qui plaisait à Gigia. Vous passiez votre temps à vous disputer tous les deux à cause de ça. Vous n'avez jamais aimé côtoyer les gens plus que nécessaire. Lui, il était sociable, agité, et le silence l'exaspérait. Une poussée de rage absolue, écrasante, vous martèle le crâne par surprise. Vous vous arrêtez sur le seuil de la demeure, la main contre le chambranle, et prenez de longues inspirations pour éviter de vous mettre à hurler, voire de massacrer n'importe qui. Vous, avec cette saleté de couteau à dépecer. Ou, pire, de faire baisser la température. D'accord. Vous aviez tort. Les nausées ne sont pas une si mauvaise expression du chagrin, comparativement. Mais vous n'avez pas de temps, pas de force à perdre. Alors, vous vous concentrez sur autre chose. Au hasard. Le bois du chambranle sous votre main. L'air, qui attire davantage votre attention maintenant que vous êtes dehors. L'odeur de soufre ne semble pas empirer, pour l'instant du moins, ce qui est peut-être bon signe. L'évaluation vous apprend qu'il n'y a pas de cheminée volcanique à proximité, donc que l'odeur vient du nord, où se trouve la blessure, la grande plaie suppurante qui s'étend d'une côte à l'autre. Vous le savez, même si les voyageurs qui suivent la route impériale n'ont jusqu'ici que des rumeurs à colporter à ce sujet. Il faut espérer que la concentration en soufre ne va pas trop augmenter. Dans le cas contraire, les gens vont commencer à avoir des nausées et à s'étouffer. Les pluies à tuer les poissons du ruisseau et à empoisonner la terre. Oui. Mieux. Quelques instants plus tard, vous arrivez enfin à vous éloigner, votre vernis de calme parfaitement en place. Peu de gens vaquent à leurs occupations dehors. Sans doute Rask a-t-il fini par déclarer officiellement le confinement, ce qui signifie la fermeture des portes de la com. Et, à en juger par les quelques personnes qui traînent près d'une tour des guets, le chef a aussi pris de l'avance en y installant des gardes. Ce n'est pas censé arriver tant qu'une saison n'a pas été proclamée. Vous maudissez en votre fort intérieur la prudence de Rask, pourvu qu'il n'ait encore rien fait d'autre qui complique votre fuite. Le marché est fermé, du moins pour l'instant, afin d'éviter que quiconque ne stocke des provisions ou ne fixe ses prix. Le couvre-feu prendra effet au crépuscule. En attendant, seuls sont autorisés à ouvrir les entreprises œuvrant à la protection ou à l'approvisionnement de la ville. Chacun sait comment les choses sont censées se passer. Chacun a sa mission, qu'il peut le plus souvent remplir en intérieur. Tresser des paniers pour stocker diverses fournitures. Sécher et mettre en conserve les aliments périssables du foyer. Réallouer les vieux vêtements et outils. Efficacité impériale et lithomnésie scrupuleuse. Règle les procédures terre à terre, quoique capable d'occuper une population anxieuse, au cas où. Quelques tirimès s'activent pourtant dehors. Vous le découvrez en contournant la verdure par le chemin. Personne ne la traverse en cas de confinement. Non que ce soit interdit, mais parce que, dans ces moments-là, tout le monde se souvient qu'il s'agit de futures cultures, et pas d'un simple carré de trèfle et de fleurs sauvages agréables à l'œil. Ce sont surtout des costauds qui travaillent à l'extérieur, pour bâtir notamment l'abri et l'enclos où sera cantonné le bétail dans un coin de la verdure. Le labeur des constructeurs n'a rien de facile. Absorbés par leurs efforts, ils ne prêtent aucune attention à une femme seule chargée d'une caisse. Vous en reconnaissez vaguement quelques-uns au passage pour les avoir déjà vus au marché ou à l'atelier de Gigia. Les regards glissent sur vous sans s'arrêter. Votre tête familière vous fait ranger dans la catégorie tirimaise. Mais tout le monde est assez occupé pour oublier que vous êtes peut-être la mère d'un gêneur. Ou pour ne pas se demander duquel de ses parents le petit gêneur mort a bien pu hériter la malédiction. Le centre-ville est plus animé. Vous vous fondez dans le décor en marchant du même pas que n'importe qui d'autre, en saluant ceux qui vous saluent, en essayant de ne penser à rien, pour que votre aide étendue trahisse l'ennui et l'indifférence. Il y a foule autour des bureaux du chef. Des capitaines de quartier et des porte-paroles de caste viennent informer qui de droit que leurs missions de confinement ont été menées à bien, avant de repartir organiser les suivantes. Des habitants traînent, dans l'espoir manifeste d'apprendre ce qui s'est passé à Soumé et ailleurs. Personne ne s'occupe de vous, là non plus. Et pourquoi le ferait-on? Il règne une puanteur de terre fracturée, et une secousse telle qu'aucun vivant n'en a jamais connue, a tout détruit, au-delà d'un rayon de 7 kilomètres. Les gens ont des préoccupations bien plus graves. Mais ces choses-là peuvent changer vite. Vous ne baissez pas votre garde. Les bureaux de Rask occupent une petite maison blottie, entre les cages de céréales sur pilotis et le chantier de construction des carrioles. Dressé sur la pointe des pieds pour regarder au-dessus de la foule, vous vous apercevez sans surprise qu'Oyamar, le second de Rask, discute sous le porche avec deux hommes et une femme couverts de mortier et de boue, plus que de tissu. Sans doute consolide-t-il le puits. Ça fait partie des choses recommandées par la lithomnésie en cas de secousse et encouragées par la procédure de confinement impérial. Oyamar est là. Rask n'y est donc pas. Soit il travaille, soit, le connaissant, il dort, épuisé par la besogne abattue depuis l'événement qui remonte à 3 jours. En tout cas, il n'est ni dans les bureaux ni chez lui, où ses administrés le trouveraient trop facilement. Mais, Lorna parlant trop, vous savez où se cache le chef lorsqu'il ne veut pas être dérangé. La bibliothèque de Tirimo est une honte. Elle existe pour la seule raison qu'une chef d'autrefois était mariée à un homme dont le grand-père en avait fait son dada. Le vieillard a écrit au gouverneur du cadran, jusqu'à ce que, enfin, le dirigeant le réduise au silence en finançant une bibliothèque. Peu de gens en ont l'usage depuis la mort de son promoteur. Mais la motion de fermeture proposée à chaque réunion plénière de la com n'a jamais remporté assez de votes pour être appliquée. La vieille cabane branlante est donc toujours là, guère plus grande que votre salle commune, quasi débordante d'étagères de livres et de parchemins. Un enfant mince pourrait circuler entre les rayonnages sans se contorsionner. N'étant ni enfant ni mince, vous vous engagez dans les allées de profil puis progressez plus ou moins en crabe. Pas question de prendre la caisse. Elle vous attendra, juste derrière la porte, à l'intérieur. De toute manière, personne ne risque de regarder dedans. À part Rask, pelotonné sur une petite paillasse au fond de la cahute, où l'étagère la moins longue ménage un espace de la largeur exacte de son corps. Lorsqu'enfin vous réussissez à vous frayer un passage jusqu'à lui, il se réveille en sursaut au beau milieu d'un ronflement et vous contemple en clignant des yeux. Ses sourcils esquissent déjà le froncement destiné au quelconque intrus qui l'a dérangé, quand il pense, parce qu'il a la tête froide. D'où son élection à Tirimo. Son visage vous permet de voir à quel instant vous passez du statut de femme de Djidja à celui de mère d'Uche, puis de mère de Gêneur, puis de Seigneur Terre, gêneuse vous-même. Parfait, ça simplifie les choses. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, dites-vous très vite, sans lui laisser le temps de se rejeter en arrière, de hurler, ou de tenter ce qu'il allait tenter, comme son raidissement vous en a informé. À votre grande surprise, ces quelques mots suffisent. Rask cligne des yeux et pense, à nouveau. La panique déserte ses traits. Il s'assoit, adossé au mur de bois, et vous regarde un long moment, pensif. Ce n'est pas pour me dire ça que vous êtes venu, je suppose, lâche-t-il. Vous vous humectez les lèvres et tentez de vous accroupir, ce qui n'est pas simple, vu les aiguïtés des lieux. Vous vous retrouvez le derrière coincé contre une étagère, les genoux sous le nez de Rask, invasion de son espace intime que vous auriez préféré éviter. L'inconfort évident de votre position lui arrache un demi-sourire, qui s'évanouit quand il se rappelle ce que vous êtes. Puis ses sourcils se froncent, comme si ces deux réactions l'agaçaient également. « Vous savez où est allée Djidja ? » demandez-vous. Ses traits se crispent. Vu son âge, il pourrait être votre père, de justesse, mais c'est l'homme le moins paternel que vous ayez jamais rencontré. Vous avez toujours eu envie de boire une bière tranquille avec lui, une envie que partagent la plupart des Tirimais et qui contredit le camouflage d'humble banalité dont vous vous entourez. Rask ne boit pourtant pas, pour autant que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, l'expression qui s'inscrit sur son visage à ce moment-là vous fait penser pour la première fois qu'il serait un bon père, si un jour il avait des enfants. Je vois. Le sommeil lui a rendu la voix rocailleuse. Il a tué le petit. C'est ce que s'imaginent les gens, mais Lorna n'en était pas sûre. Vous répondez d'un hochement de tête, aussi incapable de dire oui qu'avec Lorna. Le petit était un... reprend Rask en scrutant votre visage. Même réponse de votre part. Il soupire. Vous remarquez qu'il ne vous demande pas ce que vous êtes, vous. Personne ne sait où est allée Djidja, reprend-il en se tortillant pour plier les jambes et poser son bras sur ses genoux. Les gens ont parlé du meurtre, parce que c'est plus facile que de parler de... Sa main se relève et tombe, petit geste d'impuissance. Des commérages, c'est tout. Beaucoup plus de boue que de pierre. Certains ont vu Didja charger votre carriole et partir avec Nassoun. Vos pensées bégaient. Avec Nassoun ? Ma foi, oui, pourquoi ? Rask comprend avant d'achever. Oh merde, c'en est une aussi ? Vous faites de votre mieux pour vous retenir de trembler. Quand vous serrez les poings afin de contrôler votre corps, les profondeurs terrestres vous semblent brièvement plus proches, l'air environnant plus frais, avant que vous ne maîtrisiez le désespoir et la joie, l'horreur et la fureur. Je ne savais pas qu'elle était saine et sauve. Vous vous contentez de ça, au bout d'un long, très long moment, vous semble-t-il. Ah ! Rask cligne des yeux. La compassion est là, une fois de plus. Ma foi, oui, elle l'était. Du moins quand ils sont partis. Personne ne savait que quelque chose clochait. Personne n'y a fait attention. Les gens se sont juste dit que c'était un père qui apprenait le métier à son aîné ou qui empêchait une gamine de faire des bêtises par ennui. La routine, quoi. Puis, il y a eu cette merde au nord. Et personne n'y a plus pensé jusqu'à ce que Lerna raconte qu'il vous avait trouvé... avec votre fils. Rask s'interrompt. Les muscles de ses mâchoires se crispent. Jamais je n'aurais cru ça de Didja. Il vous battait ? Vous secouez la tête. Non. Ça aurait peut-être été plus supportable si Didja s'était montré violent avant. Vous auriez pu vous reprocher votre erreur de jugement ou votre complaisance, au lieu du simple péché de reproduction. Rask inspire longuement, profondément. Et merde, c'est... Merde, voilà. Il secoue la tête en passant la main dans le duvet gris de ses cheveux. Ils ne sont pas gris de naissance, contrairement à ceux de Lerna ou des Ascendres. Vous vous rappelez à une époque où ils étaient bruns. Vous allez partir à sa poursuite ? Ce regard vacillant vous fuit, puis revient se poser sur vous. Il ne s'agit pas exactement d'espoir, mais vous savez que le tact l'empêchera de dire « Je vous serai reconnaissant de quitter la ville au plus vite ». Vous acquiescez, ravi de lui faire ce plaisir. Il me faut un pass pour les portes. Ok. Un silence. Vous ne pourrez pas revenir, vous savez. Je sais. Vous vous obligez à sourire. Je n'en ai pas franchement envie. Je ne vous le reproche pas. Il soupire, puis s'agite à nouveau mal à l'aise. Ma sœur. Vous ne saviez pas qu'il avait une sœur. Brusquement, vous comprenez. Que lui est-il arrivé ? Haussement d'épaule. Ce qui arrive dans ces cas-là. On vivait à Soumé à l'époque. Quelqu'un s'est rendu compte de ce qu'elle était et l'a raconté à un tas d'autres quelqu'un. Une nuit, ils sont venus la chercher. Je ne me rappelle pas grand-chose, je n'avais que 6 ans. Après, ma famille s'est installée ici. Ses lèvres se tordent. Ce n'est pas vraiment un sourire. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu d'enfant. Un sourire vous vient, à vous aussi. Moi non plus. Didja en voulait, lui. Terre rouillée. Il ferme un instant les yeux, puis se lève brusquement. Vous l'imitez, pour éviter que votre visage ne se retrouve nettement trop près de son vieux pantalon taché. Je vais vous accompagner aux portes, si vous partez tout de suite. Je pars tout de suite, mais vous n'êtes pas obligé, répondez-vous, surprise. Franchement, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça risque d'attirer plus d'attention que vous ne l'aimeriez. Mais Rask secoue la tête, les dents serrées, l'air sinistre. Si, allons-y. Rask. Il vous regarde. Cette fois, c'est vous qui tressaillez. Il ne s'agit plus de vous. La foule qui a emmené sa sœur n'aurait pas osé le faire s'il avait été adulte, à l'époque. Ou alors, elle l'aurait tout simplement tué lui aussi. C'est lui qui porte la caisse en vous entraînant jusqu'aux grandes portes par la rue principale, et cette saison. Vous essayez de jouer la femme détendue et sûre d'elle, même si vous êtes extrêmement nerveuse. Vous n'auriez pas choisi cet itinéraire-là, car il y a foule. Au début, l'attention générale se concentre sur Rask. Les gens le saluent de la main, ou par son nom. Ils viennent lui demander des nouvelles, et s'aperçoivent alors de votre présence. Personne ne fait plus signe, personne ne s'approche plus. Tout le monde commence à regarder, de loin, par petits groupes de 2 ou 3. Certains se mettent aussi à vous suivre, rasquez-vous. Simple curiosité, typique des petites villes, Du moins pourrait-on le croire sans les murmures qu'échangent ces curieux et la manière dont ils vous observent. Vos nerfs vibrent à présent terriblement. Rasque elle les garde en s'approchant de l'enceinte. Une douzaine de costauds, qui travaillent sans doute en temps normal à la mine ou au champ, m'étreignent maintenant autour des portes dans un certain désordre. Deux d'entre eux les surveillent depuis les guérites construites sur la muraille. Deux autres se tiennent près des Judas. Leurs collègues restent juste là, à s'ennuyer, quand ils ne tuent pas le temps en bavardant ou en échangeant des plaisanteries. Rasque les a probablement choisis pour leur capacité d'intimidation, car ils sont tous d'une stature de sansiens et manifestement capables de se défendre, même sans les vitraux dragues ou les arbalètes dont ils sont armés. C'est le plus petit qui vient saluer le chef, un type que vous connaissez bien que son nom vous échappe. Ses enfants ont fréquenté votre classe à la crèche. Il se souvient de vous aussi. Vous le constatez quand ses yeux s'étrécissent en se posant sur vous. Rasque s'arrête, pose la caisse, en sort votre sac et vous le tend. « Tout va bien ici, Kara ?» demande-t-il au garde. « Tout allait bien jusqu'à maintenant ?» répond Kara sans vous quitter du regard. Un regard qui vous crispe la peau. Deux autres costauds, dont une femme, s'intéressent à ce qui se passe, leur attention oscillant entre Rasque et Kara, prêts à faire ce qu'on leur dira. La femme vous fixe d'un air ouvertement menaçant, mais le reste de la troupe se contente de vous jeter des coups d'œil furtifs. « Je suis ravi de l'apprendre, » répond Rasque. Ses sourcils se froncent légèrement, peut-être parce qu'il déchiffre lui aussi les signaux qui vous parviennent. « Dites à vos subordonnés d'ouvrir les portes une minute. »« Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» demande Kara, toujours sans vous quitter des yeux. Rasque se renfrogne et va se planter sous son nez d'un pas brusque. Il n'est pas impressionnant physiquement. C'est un innovateur, pas un costaud. Même si ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Mais là, juste là, il n'a pas besoin de l'être. « Oui, » dit-il d'une voix si basse et si dure que Kara se concentre enfin sur lui, en se raidissant, surpris. « J'en suis sûr. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas trop occupé par la rouille. » Une ligne de la lithomnésie vous revient à l'esprit. Structure, strophe 3. Le corps faiblit. Le dirigeant visionnaire s'appuie sur d'autres qualités. Kara serre les dents, mais finit par acquiescer. Vous vous équipez de votre sac à dos en prenant l'air aussi absorbé que possible. Les sangles sont trop longues. C'est Jija qui l'a essayé pour la dernière fois. Les gardes s'activent sur le système de treuil et de poulies qui permet de manœuvrer les battants. L'enceinte de Tirimo est pour l'essentiel en bois, car la ville n'a pas les moyens d'importer de la bonne pierre ou de payer une troupe de maçons. Mais elle fait mieux que les coms trop récentes ou gérées de manière si approximative qu'elles ne peuvent s'offrir une muraille. Les portes de Tirimo, le point le plus faible de n'importe quel rempart, sont en effet de pierre. Il suffit de les entr'ouvrir pour vous livrer passage, ce qui n'exige que quelques lents grincements et craquements, accompagnés des cris échangés par les gardes tirant sur les cordes ou guettant l'approche d'éventuels inconnus. Enfin, le silence retombe. Rasque vous considère, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé pour Jija. Il ne parle pas d'Uche. Tant mieux, peut-être. Il faut que vous gardiez les idées claires. Je suis désolé pour tout. J'espère que vous le retrouverez, ce salopard. Vous secouez la tête sans mot dire, la gorge serrée. Vous êtes chez vous à Tirimo depuis 10 ans. À vrai dire, vous commencez tout juste à y penser de cette manière, chez vous, à la naissance d'Uche. Mais vous n'auriez jamais imaginé en arriver ne serait-ce qu'à ça. Les souvenirs sont là. Vous avez poursuivi Uche à travers la verdure quand il a été capable de courir. Jija a aidé Nasun à construire un cerf-volant et à le faire voler. Mal. Ses restes se trouvent toujours dans un arbre. Quelque part, à la limite est de la ville. Partir n'est pourtant pas aussi difficile que vous l'auriez cru. Plus maintenant que vos anciens voisins vous jettent des coups d'œil qui vous salissent la peau comme de l'huile rance. Merci. Ce marmonnement est censé englober bien des choses, car Rasque n'était pas obligé de vous aider. L'assistance qu'il vous apporte lui annuit. D'une part, le respect que lui vouaient les gardes s'en trouve amoindri. D'autre part, ils jaseront. Il ne faudra pas longtemps au reste de la ville pour savoir que c'est un amateur de gêneur, un goût dangereux. Un chef ne peut se permettre ce genre de faiblesse lorsqu'arrive une saison. Mais ce qui compte réellement pour vous, à cet instant précis, c'est la déférence qu'il vous témoigne en public. Un respect qui vous honore et auquel vous ne vous attendiez pas. Vous ne savez pas trop comment l'accueillir. Il hoche la tête, également embarrassé, puis fait demi-tour quand vous vous approchez de l'entrebâillement des portes. Peut-être ne voit-il pas Kara adresser un signe de tête à une de ses gardes. Peut-être ne la voit-il pas épauler son arme en la tournant vers vous. Peut-être, s'il avait vu, aurait-il arrêté l'inconnu ou empêché d'une manière ou d'une autre ce qui arrive. Voilà ce que vous vous direz plus tard. En attendant, vous voyez quant à vous ce qui arrive, du coin de l'œil pour l'essentiel. Et, à partir de là, les choses s'enchaînent si vite que vous ne pensez pas. Elles s'enchaînent parce que vous ne pensez pas, parce que, depuis un moment, vous faites de votre mieux pour ne pas penser, parce que vous avez perdu l'habitude de penser, parce que penser vous obligerait à vous souvenir. Votre famille est morte, ce qui faisait votre bonheur n'est plus que mensonge. Mais vous en souvenir vous briserait, et vous vous mettriez à hurler, hurler, hurler sans pouvoir vous arrêter. Les choses arrivent parce que, autrefois, dans une autre vie, vous avez appris à réagir au danger d'une manière très particulière. Vous tendez votre esprit vers l'air alentour, vous tirez, vous plantez fermement vos deux pieds par terre, la terre sous vos deux pieds, vous vous ancrez, vous vous concentrez, et quand la costaude tire son carreau, c'est un trait flou qui file vers vous, un trait qui explose en mille fragments de glace scintillante au moment où il allait vous frapper. « Méchante fille !» lance une voix sévère dans votre tête. La voix de votre conscience, mâle et profonde. Vous oubliez cette pensée à la seconde où elle s'impose ou presque. Cette voix appartient à une autre vie. Une vie. Vous regardez l'inconnu qui vient d'essayer de vous tuer. Qu'est-ce que... Eh, merde ! Kara vous considère d'un œil fixe, visiblement sidéré de ne pas vous voir tomber raide morte. Il s'accroupit les poings serrés, si agité qu'il en sautille presque sur place. Vas-y, mais vas-y, tu l'as ! Tire, rouille de terre, tire avant que... Mais qu'est-ce que vous faites, bordel ? Rask se retourne, enfin conscient de ce qui arrive, trop tard. Sous vos pieds, sous les pieds de Tsirimo tout entier, naît une secoute. Une secousse, pardon. Presque imperceptible au départ. Sans que personne en soit averti par la valuation ou un cliquetis quelconque, contrairement à ce qui se passerait si la Terre était à l'origine de son propre mouvement. Voilà pourquoi les gens comme eux ont peur des gens comme vous. Vous échappez au domaine de la raison et de la prévention. Vous êtes une surprise, au même titre qu'une rage de dents ou une crise cardiaque. La vibration que vous provoquez croît à toute allure pour devenir grondement de tension, perceptible par les oreilles, les pieds, la peau, sinon les Valupinae, mais il est déjà trop tard. Kara fronce les sourcils en regardant le sol entre ses jambes. La garde se fige, alors qu'elle préparait un second carreau, les yeux ronds, rivés à la corde frémissante de son arbalète. Vous restez immobile, entouré de flocons de neige tourbillonnants et de morceaux de carreaux désintégrés. Un disque de givre d'1,50 m de diamètre durcit la terre qui vous porte. Une brise naissante joue dans vos cheveux bouclés. « Non !» murmure Rask, dont les yeux s'écarquillent devant votre expression. Vous ne savez pas de quoi vous avez l'air à ce moment-là, mais ça doit être impressionnant. Il secoue la tête, comme si nier ce qui se passe allait l'arrêter, recule d'un pas, puis d'un autre. « Essun !»« Vous l'avez tué !» répondez-vous. C'est totalement irrationnel. Le vous auquel vous pensez est pluriel, alors que vous vous adressez à un vous singulier. Rask n'a pas cherché à vous tuer. Il n'a rien à voir avec la mort d'Uche. Mais la tentative de meurtre dont vous venez d'être victime a déclenché en vous quelque chose de brut, de furieux, de glacé. Bande de froussards. Des bêtes ne feraient pas une chose pareille. Vous regardez un enfant et vous voyez une proie. C'est Jija le meurtrier d'Uche, vous le savez, à un certain niveau. Mais Jija est d'ici, de Tsirimo. La haine capable de pousser un homme à massacrer son propre fils émane de tout ce qui vous entoure. Rask inspire. Essun. La vallée se déchire. Le choc initial est assez violent pour jeter tout le monde à terre et secouer toutes les constructions de la ville. Elles se mettent ensuite à vibrer, à s'entrechoquer, car la secousse se fond en une vibration régulière ininterrompue. L'atelier de Seider, le réparateur de chariots, est le premier à s'effondrer, quand sa charpente se décale par rapport à ses fondations. Des hurlements s'élèvent dans la vieille bâtisse. Une femme réussit à se précipiter dehors, avant que le chambranle de la porte ne s'écroule à l'intérieur. À la limite est de la ville, plus près des crêtes montagneuses qui encadrent la vallée, s'amorce un glissement de terrain. Une partie de l'enceinte et trois maisons disparaissent brusquement, broyées par une masse de boue, d'arbres et de rochers. Loin sous terre, là où nul autre que vous ne peut s'en rendre compte, Des brèches s'ouvrent dans les couches d'argile entourant la nappe aquifère qui alimente la ville. L'assèchement commence. Personne ne s'apercevra que vous venez de tuer Tirimo avant des semaines. Mais le tarissement des puits en apportera la révélation. Du moins à ceux que les instants suivants auront épargnés. Le disque de givre et de neige tourbillonnante centré sur vous s'étend à présent. Vite. Rask est le premier touché. Il a beau essayer d'échapper au bord en mouvement de votre tore, vous êtes tout simplement trop près de lui. Le froid le saisit en pleine course, lui vitrifie les pieds, lui solidifie les jambes, remonte son épine dorsale avec avidité. Il tombe à terre en un souffle, dur comme la pierre, la peau aussi grise que les cheveux. Le disque avale ensuite Kara, qui hurlait toujours à ses subordonnés de vous abattre. Le cri meurt dans sa gorge quand il s'écroule, instantanément congelé. Son dernier souffle chaud siffle entre ses dents serrées puis givre la terre, dont vous dérobez la chaleur. Vous ne répandez pas seulement la mort parmi vos concitoyens, bien sûr. Un oiseau, perché non loin de là sur une barrière, en tombe, également congelé. L'herbe croustille, le sol durcit, l'air siffle et rugit, dépouillé de son humidité et de sa densité. Mais personne ne pleure les vers de terre. Plus vite. Un tourbillon parcourt à toute allure la rue des sept saisons. Les arbres bruissent. Des cris d'inquiétude s'élèvent quand les Tirimais comprennent ce qui se passe. Le sol bouge toujours, mais vous accompagnez son balancement sans jamais risquer de perdre l'équilibre, parce que son rythme vous est connu. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Il ne reste en vous de place que pour une unique pensée. Ces gens ont tué Uche. Leur haine, leur peur, leur violence injustifiée. Eux, lui. Ils ont tué votre fils. Jidja a tué votre fils. Ils sortent dans la rue en hurlant, en se demandant pourquoi il n'y a eu aucun avertissement, et vous tuez tous ceux qui s'en approchent, poussés par la bêtise ou par la peur. Jidja, tous ces gens sont Jidja. Toute cette ville rouilleuse est Jidja. La com, ou du moins l'essentiel de la com, ne doit son salut qu'à deux choses. Premièrement, la plupart des constructions tiennent bon. Tirimo est peut-être trop pauvre pour bâtir en pierre, mais la plupart de ces bâtisseurs sont assez bien payés et ont assez de moralité pour n'utiliser que les techniques recommandées par la lithomnésie. Charpente suspendue et poutre centrale. Deuxièmement, la ligne de faille de la vallée, que vous êtes en train de fendre d'une pincée, se trouve à quelques kilomètres à l'ouest. C'est pour ces deux raisons que l'essentiel de Tirimo survivra, du moins jusqu'à l'assèchement des puits. Pour ces deux raisons, et à cause du hurlement de terreur résonnant d'un garçonnet dont le père sort en courant d'une bâtisse follement secouée. Vous vous tournez instantanément, machinalement en direction du cri, orienté par votre oreille de mère. L'homme serre l'enfant dans ses bras. Il n'a même pas de sac de survie. La seule et unique chose qu'il ait pris le temps d'attraper, c'est son fils. Lequel ne ressemble pas du tout à Uche, mais ça ne vous empêche pas de le regarder fixement, tendre les bras vers la maison, où son père a laissé vous ne savez quoi. Son jouet préféré, ou sa mère peut-être. Et soudain, enfin, vous pensez. Alors vous arrêtez, parce que... Oh, terre impitoyable, regardez ce que vous avez fait. La secousse s'interrompt. Le sifflement renaît autour de vous. Cette fois parce qu'une atmosphère plus chaude et plus humide s'engouffre dans votre espace personnel. Le sol et votre peau se retrouvent instantanément trempés par la condensation. Le grondement de la vallée s'évanouit. Seuls subsistent les hurlements, les craquements du bois qui s'effondrent, la sirène signalant les séismes dont le mugissement est né trop tard, inutile. Vous fermez les yeux, douloureuse et tremblante. Non, pensez-vous. C'est moi qui ai tué Uche, du seul fait que je suis sa mère. Votre visage est mouillé de larmes. Vous qui vous croyez incapable de pleurer. Il n'y a plus personne pour vous séparer des portes. Les gardes ont pris leurs jambes à leur cou, sauf ceux qui se sont révélés trop lents, et qui ont fini comme Rask et Kara. Vous hissez votre sac sur vos épaules et foncez vers l'entrebâillement, en vous essuyant la figure d'une main, mais le sourire aux lèvres. Un sourire amer, douloureux. Comment pourriez-vous rester indifférente à l'ironie de la situation? Vous n'avez pas voulu vous contenter d'attendre la mort. Bon. Idiote, pauvre idiote. La mort a toujours été là. La mort, c'est vous. N'oubliez jamais ce que vous êtes. Tablette première, de la survie, strophe 10.